Bonjour. Bonjour. Alaykoum salam, là-bas. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé hier? Ils m'ont Hier, mon attrapé fils et est venu. frappé. Quatre personnes m'ont Je suis attrapé et parti. frappé. On m'a dit, pourquoi tu ne D'accord. viens plus en Belgique? Oui. J'habitais avant en Vous voulez Italie. d'abonner? Tu vivais en Italie? Oui, je Albanie, vivais en vous voulez Italie. J'avais les papiers italiens et on me les a retirés. Belgique. Quand on m'a enlevé mes papiers, je suis venu ici en Belgique Italien. chez mon frère. Oui. Italien. Après, je suis venu ici en Belgique et j'ai fait une demande de réfugié. On m'a dit que tu as des empreintes en Italie et on va te faire renvoyer vers l'Italie. On m'a déjà expulsé de l'Italie. Et là, je suis enfermé. Et ils m'ont dit que j'ai un vol vers l'Italie le 23 du mois. C'est aujourd'hui. J'ai un vol pour l'Italie le 23. Il me reste donc 8 jours. Et moi, je ne veux pas partir en Italie. Et là, tu es où? Là, je suis en prison. On m'a enfermé dans une prison à côté de l'aéroport. Ils ne sont pas encore venus pour t'expulser. On m'a attrapé et les quatre personnes m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé pour que je ne revienne plus en Belgique. On m'a dit pour que tu ne viennes plus ici. Moi, je suis ici depuis 2010. On m'a attrapé et mis par terre. On m'a mis les menottes et les quatre policiers m'ont blessé. Ils m'ont blessé sur les mains et les pieds et j'ai des blessures sur la tête. Et tu as vu un médecin? Oui, je suis allé chez le médecin. Tu as les certificats? Oui, j'ai les papiers du docteur qu'il m'a donné. On m'a attrapé et vraiment tabassé. Ils sont racistes ici. Ils m'ont dit qu'on va te renvoyer à Rome le 23. Et moi, je ne veux pas partir. J'ai mon frère qui habite en Belgique depuis 15 ans. J'ai travaillé ici en Belgique. J'ai demandé auprès eux d'être réfugié. Ils m'ont attrapé et emprisonné pour me renvoyer en Italie. Et moi, l'Italie m'a déjà refusé ma demande.